n'est pas dans le front, on est dans le 03. Pas à Bobigny, mais dans le centre du pays. On n'est pas dans le front, on est dans le 03. Oui, tu sais, à Vichy, partout dans l'Allier, je t'ai dit. On n'est pas dans le front, on est dans le 03. Pas à Bobigny, mais dans le centre du pays. On n'est pas dans le front, on est dans 03. Oui, tu sais, à Vichy, partout dans l'Allier, je t'ai dit. Romantique, punk, pour les yeux de véridique. Bismarck est toujours là avec ses soldats de santé artère. Authentique, qui représente toujours avec la familia. La lame des prix des jeunes d'ici, un flot à te mettre au tapis. Alors pas de Paris, c'est dans le centre du pays. Y'a des MC, oui, moi je te le dis. Passe un peu. Oui, Paris, c'est dans le 03. On va te donner des bonnes vibes, oh oui. On n'est pas dans le 3, on est dans le 03. Pas à Bobigny, mais dans le centre du pays. On n'est pas dans le front, on est dans 03. Oui, tu sais, à Vichy, partout dans l'Allier, je t'ai dit. On n'est pas dans le front, on est dans 03. Pas à Bobigny, mais dans le centre du pays. On n'est pas dans le front, on est dans 03. Oui, tu sais, à Vichy, partout dans l'Allier, je t'ai dit. Tu croques ou tu croques pas, tu vois, ça c'est de Staff Slinger à la hauteur, un flot de mitrailleur. Mais tout le monde va en mission quand t'écoutes les frères de tournée. Moi, je te le dis, Dino, t'es toujours là pour ses sauces. Un floraga, oui, ça c'est Mélodia. Une mélodie lover d'une vibe du cœur. Tout le monde move dans la partie, les MT sont OP ici. Oh oui. On n'est pas dans le front, on est dans le 03. Pas Bobigny, mais dans le centre du pays. On n'est pas dans le front, on est dans le 03. Oui, tu sais, à Vichy, partout dans l'Allier, je t'ai dit. On n'est pas dans le front, on est dans le 03. Pas Bobigny, mais dans le centre du pays. On n'est pas dans le front, on est dans le 03. Oui, tu sais, à Vichy, partout dans l'Allier, je t'ai dit. Nabzou Mossad, une tête de l'escouade. King Nizo, to be the youth, qu'on les croit ici. Quand t'as Crémon et tes amis, t'as pour le graffiti. Mais c'est là, c'est Sensei qui sont la relais, je te dis. Donc viens faire un tour par ici. Y'a des militants dans les, oui, je te le dis. Wine est tous dans la partie, c'est le centre du pays. Wine est tous dans la partie, open mind est présent ici. Oh oui, 03 dans la partie. Rasta qui le dit aujourd'hui. On n'est pas dans le front, on est dans 03. Pas Bobigny, mais dans le centre du pays. On n'est pas dans le front, on est dans 03. Oui, tu sais, à Vichy, partout dans l'Allier, je t'ai dit. On n'est pas dans le front, on est dans 03. Pas Bobigny, mais dans le centre du pays. On n'est pas dans le front, on est dans 03. Oui, tu sais, à Vichy, partout dans l'Allier, je t'ai dit. Nord-Sud-Est, c'est le centre qu'on délaisse. Notre blanc disait avant, nous on verra dans le temps. Sous le mafia clic, ça c'est le déclic. Un flot de rabat et voiture, alors tout le monde bouge là. Mais c'est leader vocal qui fut le plus fatal. Alors passe-moi dans le sens, y'a du bon son ici. Open mind dans la partie représente, oui, pour l'Allier et tous ses confrères ici. Open mind dans la partie, Rasta te le dit ici. Open mind dans la partie, y'a du monde au POK. 03 qui représente aujourd'hui. On n'est pas dans le front, on est dans 03. Pas Bobigny, mais dans le centre du pays. On n'est pas dans le front, on est dans 03. Oui, tu sais, à Vichy, partout dans l'Allier, je t'ai dit. On n'est pas dans le front, on est dans 03. Pas Bobigny, mais dans le centre du pays. On n'est pas dans le front, on est dans 03. Oui, tu sais, à Vichy, partout dans l'Allier, je t'ai dit. Mais c'est grâce à du vois-tu de Vichy qui le dit aujourd'hui dans ses mélodies. Si j'ai pris ce beat, en vois-tu aujourd'hui, c'est pour dire qu'on dit fuck aux nazis. Parce qu'à Vichy, y'a pas que des nazis.